Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-mêmes. Celui qui s'égare ne vous nuira point, si vous, vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez.